futur. Bonjour à tous, on commence ce journal avec cette découverte extraordinaire. Une baleine a été localisée dans l'océan Atlantique. On croyait l'espèce éteinte depuis près de 30 ans, mais apparemment il reste un spécimen. Nous rejoignons tout de suite Alain Hulotte, le responsable des espèces disparues chez Greenpeace. Alain, vous vous trouvez actuellement au large des côtes québécoises sur le Rainbow Warrior 7. Vous confirmez, c'est bien une baleine? Oui, tout à fait, une véritable baleine, je l'ai quasiment sous les yeux. C'est un superbe spécimen d'au moins 12 mètres de long. Alors le spectacle est vraiment magnifique, écoutez-moi ce chant mélodieux, on croyait ne plus jamais l'entendre. Il y a donc beaucoup d'émotions ici où tout le monde a parfaitement conscience de vivre un moment historique. La dernière baleine vivante... Alain, que se passe-t-il? Ah, on me passe une dépêche, je crois avoir la réponse, oui... C'est bien cela, le chalutier japonais Kamikazor indique avoir procédé à une expérience scientifique, comme l'y autorise d'ailleurs le traité d'Okinawa. Selon l'affréteur du navire, il s'agissait de voir comment la baleine réagit à l'impact d'une torpille nucléaire. Elle est où la baleine ? Pas d'inquiétude, donc tout est parfaitement légal. Et décidément, ce n'est pas une bonne semaine pour l'environnement. On vient d'apprendre que l'ingénieuse proposition américaine pour endiguer la fonte des glaciers sera finalement abandonnée. Rappelons que Washington proposait de construire un mur circulaire étanche de plusieurs kilomètres de haut tout autour du pôle. Et nouveau signe du génie américain, le chantier aurait même été rentable puisque la firme espagnole Chupa Chups s'était engagée à financer l'opération. Le célèbre fabricant de sucettes a noté la ressemblance frappante entre son produit phare et la forme de notre planète munie de ce gigantesque tube. Seule demande raisonnable de Chupa Chups, déverser dans les océans un colorant alimentaire framboise et redessiner les côtes de l'Australie de la forme de son logo. Mais c'était compté sans un obstacle insurmontable. Les entreprises américaines de travaux publics ne disposent plus d'assez de main-d'œuvre mexicaine pour effectuer les travaux. La Maison-Blanche a dû finalement renoncer à son projet de mur du pôle. Les négociations se poursuivent à Jérusalem entre les représentants des religions officielles. Et les débats se sont envenimés hier avec l'annonce par les délégués californiens de la Scientologic Limited du dépôt d'une double plainte contre la Kippour Corporated. Plainte pour falsification des listes électorales et non-respect des règles de la concurrence. Explication du pasteur McFinlay, porte-parole de la délégation scientologue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact publicitaire de la notion de peuple élu. Alors moi, je pose la question. Élu dans quelles conditions? Le quorum a-t-il été atteint? Le vote a-t-il été validé par une commission indépendante? Quelle est la durée du mandat? Et plus important, pouvons-nous avoir accès aux listes électorales? Nous avons des documents faisant état d'un certain Jéhovah, puis Yahvé ou encore Dieu le Père. Ça sent les faux électeurs à plein nez, cette affaire. Nous demandons un recompte des bulletins. Du côté de la Kippour Corporated, on se veut confiant en soulignant que le bilan de leurs 6000 ans d'exercice prouvait leur aptitude à conserver le titre. Et puis en marge de ce sommet interconfessionnel, signalons cette manifestation organisée par la Fondation Marc Dutroux en faveur de la légalisation de la pédophilie. Une délégation de manifestants doit être reçue dans l'après-midi par le représentant du Vatican qui affirme être ouvert à toute proposition constructive. Téhéran et Kaboul viennent de communiquer la liste hebdomadaire des fatwas mortels pour la France. Sont visés cette semaine l'auteur Nicolas Foubert, qui a prononcé le mot ramadan la bouche pleine, et un professeur de philosophie qui s'était apparemment pris les pieds dans un tapis de prière. De son côté, le Vatican communique massivement sur ses futurs fatwas évangéliques, dans le but évident de récupérer le marché lucratif des produits dérivés. La première croix à cran d'arrêt sera offerte avec le prochain numéro de Télérama. Le but est bien sûr de concurrencer la mini-ceinture d'explosifs envoyée gratuitement aux abonnés de la chaîne Al Jazeera Kids. Au chapitre économique, le ministre des entreprises qui gagnent était hier l'invité de l'université d'été de Lapute, l'association des péripatéticiennes et usagers du trottoir. L'occasion pour Ange Simeoni de féliciter les acteurs d'un secteur qui a parfaitement su relever le défi de la mondialisation. La prostitution française se porte bien. Près de 17 000 emplois créés rien que pour le premier semestre 2042. Un bel exemple de patriotisme économique cher à notre gouvernement. Ange Simeoni. Vous êtes confronté à la question difficile de la mondialisation. Vous vous y adaptez en internationalisant vos équipes, en vous implantant à travers le monde, en élargissant vos marchés sur tous les continents, en nouant des alliances. Vous le savez mieux que quiconque, vos marques restent des emblèmes nationaux forts, ce sont des sujets légitimes de fierté pour chacun de vos compatriotes. C'est le sens que je veux donner au patriotisme économique que défend mon gouvernement. Vos succès, ce sont les emplois de demain, c'est la confiance de notre pays dans son avenir. Voilà tout l'enjeu d'une politique industrielle moderne. Toujours au chapitre économique, signalons les bons résultats engrangés cette année par les compagnies aériennes. Le trafic passager est en forte augmentation. Une bonne nouvelle qui pose toutefois quelques problèmes aux voyagistes qui ont parfois du mal à honorer toutes les commandes. Explication Sylvain Lepetit. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre l'avion. En 10 ans, le trafic passager a augmenté de près de 55% en Europe, mais la capacité des appareils ne suit pas. Il faut donc pouvoir mettre plus de monde à chaque voyage. Dominique Groussou, directeur général de l'aviation civile. Nous cherchons des réponses proportionnées et équilibrées qui concilient les problèmes de sûreté avec le bon fonctionnement du transport aérien, tant du point de vue du confort du voyageur que de l'industrie et du commerce aéroportuaire. Il y aura vraisemblablement un volume global maximal par passager. Et pour gagner de la place, la compagnie charter Air Clando a peut-être la solution. Forte de son expérience, acquise depuis des années entre Paris et Bamako, la firme low cost affirme pouvoir doubler, peut-être tripler la capacité des avions en partageant les sièges. Les employés d'Air Clando ont donc effectué une démonstration avec la complicité bienveillante des agents de la police de l'air et des frontières et de Monsieur Agos tiré au sort dans la salle de rétention de l'aéroport de Roissy. Charles Duvic, représentant des passagers, on est encore tout émerveillé. Les services de police ont plié M. Agos en deux, se sont appuyés de tout leur poids sur le dos alors que M. Agos était plié et ceinturé par la ceinture de sécurité de l'avion. À un moment, un, voire deux policiers étaient assis sur le dos de M. Agos. Attention tout de même, les passagers asthmatiques sont invités à se faire connaître au moment de l'enregistrement afin qu'on ne leur attribue pas les places inférieures. Pour cette fois, la direction d'Air Clando indique qu'elle prendra à sa charge le rapatriement du corps de Monsieur Agos. C'était une décision très attendue par les artistes communicants. Il n'y aura désormais pas plus de 3 coupures de films dans les spots publicitaires. L'arrêt rendu hier par le Conseil supérieur de la communication vise à protéger la création commerciale, grandement menacée ces derniers mois par des cinéastes sans scrupules qui n'hésitaient pas à interrompre les messages publicitaires par des œuvres à caractère non lucratif. Mais la Fédération des artistes réalistes n'entend pas en rester là. Elle attend maintenant avec impatience la décision du ministre de la Culture sur les quotas applicables dans les musées nationaux. Robert Seguela, président de l'AFAR. La situation actuelle est intenable. Toute cette place perdue dans les musées, c'est un gâchis monumental. Quand on pense par exemple que près de 60 millions de visiteurs se pressent chaque année devant la Joconde, qu'est-ce que ça coûterait de placer un petit logo sur le tableau? Un petit Colgate ou un petit L'Oréal, placé à un endroit un peu incongru? L'aspect énigmatique de l'œuvre en serait renforcé. Tout le monde serait gagnant. Paris, capitale de la mode, avec les défilés printemps-été 2043 qui débutent aujourd'hui. Des créations assez conventionnelles cette année, avec leur lot de combinaisons refroidissantes qui ne se distinguent souvent que par l'emplacement du tuyau d'évacuation du dioxyde de carbone. Il semble bien que l'engouement de l'an dernier pour les jupes éoliennes soit passé aux grandes dames de l'association des éco-créateurs. On écoute leur porte-parole. C'est vraiment n'importe quoi. Et ces tuyaux, franchement, c'est pas saillant du tout. Revenons à la sagesse des anciens. On a tendance à les mépriser à tort, si vous voulez mon avis. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Une femme, c'est comme une maison. Il faut bien l'isoler et il faut que l'air circule. Si nos ancêtres construisaient en pierre de taille, il y avait une raison. Eh ben les femmes, c'est pareil. Merci. Avec de la laine de verre sous les tuiles. Mais cette saison des défilés est entachée par la scandaleuse affaire qui oppose Chanel et LVMH à Médecins du Monde. L'organisation humanitaire qui a constaté une augmentation dramatique de la malnutrition chez les employés des grandes enseignes du luxe a décidé d'installer ses tentes avenue Montaigne. Consternation chez les couturiers et leurs clients qui demandent une expulsion immédiate. Médecins du Monde argumente. On ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, des entreprises paient exclusivement leurs employés en cocaïne et en accessoires de mode. Pour quelle raison? La malnutrition doit être définie comme une pathologie et les séquelles sont dangereuses. Et comment peut-on prévenir cette situation? constate plusieurs étapes bien distinctes. Le stade anorexique est à peu près réversible, on peut encore agir. Et lorsqu'on atteint le stade du bébé au gros ventre, comme en Afrique subsaharienne, compliqué de traumatismes psychologiques importants, il est déjà trop tard. Regardez cette vendeuse avec les béquilles. Combien de temps avant le gros ventre? Mais ce n'est pas dû à une invasion de criquets? Avenue Montaigne? Non, je ne crois pas. Enfin, suite aux plaintes incessantes de son voisinage qui s'était constitué en association, le dernier intellectuel déconnecté de la réalité a finalement été fixé au sol par une chape de béton. Le ministère des Travaux de Salubrité Publique se porte garant de la solidité de l'édifice, même par jour de grand vent. C'est évident que de telles nouvelles ne sont pas positives. On s'en serait bien sûr passé. Simplement, ce que je crois comprendre, c'est que dans quelques années, il n'y aura plus rien.